Chapitre 79. Le Languedoc, vu de la mer, Nîmes, Montpellier, 7. Les tristes nouvelles de l'oncle Franz, la résolution d'André. Un homme courageux compte sur ce qu'il peut gagner par son travail, non sur ce qu'il peut emprunter aux autres. Le vent continuant d'être bon, on ne tarda pas à perdre de vue la Provence. On aperçut les côtes basses du Languedoc, toutes bordées d'étangs et de marais salants, où l'eau de mer, s'évaporant sous la chaleur du soleil, laisse déposer le sel qu'elle contient. « En face de quel département sommes-nous ? » demanda Julien, qui cherchait à s'instruire. « C'est le Gard, dit le patron. »« Chef-lieu Nîmes, reprit Julien. »« Oui, répondit Jérôme. Nîmes est une grande et belle ville, où sont de magnifiques monuments d'autrefois. Il y a un vaste cirque de pierre appelé les arènes, où on donnait dans les anciens temps des jeux et des spectacles. » Peu d'heures après, on était en vue du département de l'Hérault. Le patron fit observer à Julien qu'avec une longue vue, on pourrait apercevoir les maisons de la ville de Montpellier, ainsi que le beau jardin du Pérou, qui la domine. « Nous voici près de 7, ajouta-t-il. Nous arriverons de bonne heure. » Le soir, en effet, n'était pas encore venu, quand on aperçut 7 et la montagne assez haute qui la domine. Lorsqu'on eut replié les voiles et attaché le bateau, le patron s'informa de Franz Volden, auprès d'un marinier qui arrivait de Bordeaux par le canal du Midi. On lui apprit que Volden était bien malheureux. Il était venu à Bordeaux pour retirer ses économies de chez un armateur, à qui il les avait confiées. Mais cet armateur avait fait de mauvaises affaires. Tout ce que Volden possédait se trouvait englouti. Il en avait conçu un tel chagrin qu'il avait fini par tomber gravement malade. À cette époque, il était à l'hôpital de Bordeaux, atteint d'une fièvre typhoïde, dans un état de délire et de faiblesse tel qu'il ne fallait pas songer à lui annoncer immédiatement la mort de son frère Michel en Alsace-Lorraine et l'arrivée de ses neveux. Jérôme, en apprenant ces tristes nouvelles, se trouva bien embarrassé pour donner conseil à André et à Julien. « Mes enfants, leur dit-il, réfléchissez vous-même. Si vous allez à Bordeaux par le canal et qu'André travaille à bord, cela ne vous coûtera rien, c'est vrai. Mais ce sera un voyage d'un mois et très pénible, en hiver surtout. Peut-être feriez-vous mieux de prendre le chemin de fer. Je puis vous prêter une trentaine de francs pour compléter ce qui vous manque. Et dès demain, vous serez rendu à Bordeaux sans fatigue. » « Je vous suis bien reconnaissant, patron Jérôme, » répondit André d'une voix tremblante, car il était accablé par le nouveau malheur qui les frappait. « Mais en supposant que nous prenions aujourd'hui le chemin de fer pour arriver à Bordeaux demain, que deviendrions-nous dans cette grande ville si je ne trouvais pas tout de suite de l'ouvrage ? Songez-y donc, Julien ne peut marcher, notre oncle est à l'hôpital, il n'a peut-être pas d'économie pour sa convalescence. »« C'est vrai, » dit Jérôme, frappé du bon sens d'André. « Quelle situation alors, patron Jérôme ? « Non seulement il nous serait impossible de vous rembourser les 30 francs que vous m'offrez si généreusement, mais il nous faudrait essayer d'emprunter encore à d'autres. Non, cela n'est pas possible. Nous prendrons le bateau, Julien et moi, et nous écrirons dans quelques jours à notre oncle pour lui annoncer notre arrivée. Voyez-vous, mon père me l'a appris de bonne heure. C'est se forger une chaîne de misère et de servitude que d'emprunter quand on peut vivre en travaillant. C'est si bon de manger le pain qu'on gagne. Quand on est pauvre, il faut savoir être courageux, n'est-ce pas, Julien ? « Oui, oui, André, répondit l'enfant. Un mois, d'ailleurs, est vite passé avec du courage. Dans un mois, Julien aura retrouvé ses jambes. Notre oncle sera sans doute convalescent. Nous arriverons à Bordeaux avec nos économies au complet et avec ce que j'aurai gagné en plus pendant le mois. Nous pourrons peut-être alors être utiles à mon oncle, au lieu de lui être à charge. Pour cela, nous n'avons besoin que d'un mois de courage. Eh bien, nous l'aurons ce courage, n'est-ce pas, Julien ?» André, en parlant ainsi, avait dans la voix quelque chose de doux et d'énergique tout ensemble. La vaillance de son âme se reflétait dans ses paroles. Julien le regarda, et il se sentit tout fier de la sagesse courageuse de son aîné. « Oui, André, s'écria-t-il, je veux être comme toi, je veux avoir bien du courage. Tu verras, au lieu de m'être désolé, je vais me remettre à m'instruire. Je prendrai mes cahiers et je travaillerai sur le bateau comme si j'étais à l'école. » Un bateau sur un canal, cela doit aller si doucement que je pourrais peut-être écrire comme en classe. Et puis enfin, je prierai Dieu bien souvent pour que notre oncle guérisse. « Dieu t'exaucera, mon enfant, » dit le patron Jérôme en embrassant le petit garçon. En même temps, il tendait à André une main affectueuse et à demi-voix. « Je vous approuve, André, » lui dit-il. « C'est bien, à la bonne heure. J'ai eu du plaisir à vous entendre parler ainsi. Vous me rappelez les beaux arbres de votre pays, ces grands pins de l'Alsace et du Nord, dont le cœur est incorruptible, et dont nous faisons les plus solides mâts de nos navires, les seuls qui puissent tenir tête à l'ouragan. Quand la rafale souffle à tout casser, quand tout craque devant elle, elle arrive bien à plier le mât comme un jonc, Mais le rompre, allons donc. Il se redresse après chaque rafale, aussi droit, aussi ferme qu'auparavant. Faites toujours de même, enfant, ne vous laissez pas briser par les peines de la vie, et après chacune d'elles, sachez vous redresser toujours, toujours prêts à la lutte. » Le petit Julien, en écoutant la comparaison du marin Jérôme, avait ouvert de grands yeux. Il ne comprenait cela qu'à moitié, car il n'avait nulle idée de la tempête. Néanmoins, cette image lui plaisait. Il aimait à se représenter les beaux arbres de la terre natale, tenant vaillamment tête aux bourrasques de l'océan. Et il se disait « C'est ainsi qu'il faut être. Oui, André est courageux, et je veux être courageux comme lui. » Arène de Nîmes. Les anciens appelaient arène un amphithéâtre où ils venaient regarder des spectacles, des combats d'hommes et de bêtes. Les arènes de Nîmes sont un magnifique amphithéâtre où pourraient s'asseoir 30 000 spectateurs. Souvent, pendant les guerres, les habitants de Nîmes se sont réfugiés dans les arènes et s'en sont servis comme de citadelles. Nîmes a aujourd'hui plus de 60 000 habitants. C'est l'entrepôt des soies du Midi de la France. Montpellier et la promenade du Pérou. La place du Pérou, à Montpellier, est l'une des plus belles promenades qui existent. Du haut de la colline, où elle est placée, la vue s'étend sur les montagnes des Cévennes et sur la mer qu'on aperçoit dans le lointain comme une ligne bleuâtre. Sur la place se trouve la statue de Louis XIV, qui a fait construire cette promenade par le célèbre architecte Lenôtre. La ville de Montpellier compte près de 60 000 habitants. Elle a une faculté de médecine célèbre. Elle fait un grand commerce de vin et eau-de-vie. Languedoc, Roussillon et comté de Foix. Le haut Languedoc est couvert par les monts des Cévennes. Mende, Privas, Le Puy en sont les villes principales. On y élève les vers à soie. On y fabrique des dentelles. Le bas Languedoc est couvert de vignobles dont plusieurs sont célèbres, comme Lunel et Frontignan. Les vins liquoreux du Roussillon sont également renommés. Perpignan est une place de guerre de premier ordre. Le comté de Foix est une contrée montagneuse, connue pour ses fers et ses forges.